Chapitre 2 Où la promesse de Pardeil en père est tenue par Maître Gilles. Le maréchal de Danville, après avoir assisté à l'investissement de la maison de la rue Montmartre, après s'être assuré qu'il était impossible d'en sortir, s'était empressé de regagner l'hôtel de Mesmes. Il tenait les deux Pardeillans et se promettait de ne pas les laisser échapper. En effet, la mort seule de ces deux hommes pouvait lui garantir sa propre sécurité. Ils étaient tous deux possesseurs d'un secret qui pouvait l'envoyer à l'échafaud. Il parlerait, cela ne faisait pas l'ombre d'un doute dans son esprit. Lorsque, persuadé que le vieux Pardeillan avait suivi la voiture qui enlevait Jeanne de Pienne, le maréchal s'était décidé à rompre avec lui, il avait en même temps décidé de supprimer ce dangereux auxiliaire. Il se privait ainsi d'un aide précieux. Mais il y gagnait une certaine tranquillité en ce qui concernait ses prisonnières. En effet, à ce moment-là, il y avait dans l'esprit du maréchal deux préoccupations bien distinctes l'une de l'autre et qui pourtant se tenaient par des liens mystérieux. Il est nécessaire de les expliquer afin de jeter quelques lumières sur l'attitude de cet homme. Danville s'était jeté dans la conspiration de Guise uniquement en haine de son frère. Pour acquérir Danville, Guise avait promis la mort de Montmorency. François mort, assassiné par quelques bons procès, Henri devenait le chef de la maison, l'unique héritier, un seigneur presque aussi puissant et peut-être plus riche que le roi. On lui donnait l'épée de connétable qu'avait illustrée son père. Il était presque le deuxième personnage du royaume. Et alors, son ambition s'ouvrait de larges horizons. Il prenait une part active à la destruction des Huguenots, secrètement résolue par Guise, entraînant le royaume dans quelque aventure d'où il revenait couvert de gloire et... Qui savait ? Si Guise parvenait à détrôner Charles, pourquoi lui, Danville, ne parviendrait-il pas à détrôner Guise ? Voilà les pensées qui, lentement, s'étaient agglomérées dans la conscience du rude maréchal et dont la pensée initiale avait été le désir effréné de se débarrasser de son frère. Or, cette haine elle-même avait pris sa source dans l'amour d'Henri pour Jeanne de Pienne. Repoussé à Margency par la fiancée de son frère, il s'était atrocement vengé. Les années avaient coulé. La haine seule était demeurée vivace dans ce cœur. Les choses en étaient là lorsqu'il rencontra Jeanne et s'aperçut ou crut s'apercevoir que sa passion mal éteinte se réveillait plus ardente que jadis. Dès lors, il eut un but précis à son ambition. La conspiration qui devait faire Guise roi de France conduisait Danville à la puissance. Du même coup, son frère disparaissait. Jeanne de Pienne n'avait plus de raison de demeurer fidèle à François, et cette puissance acquise conduisait Henri à la conquête de Jeanne. C'était tortueux comme pensée, mais d'une implacable logique comme plan. On s'explique maintenant que Danville s'empressa de se saisir de Jeanne et de sa fille pour que François ne pût jamais les rencontrer. On s'explique aussi sa modération relative vis-à-vis de ses prisonnières. On s'explique qu'il ne chercha pas à avoir de fréquents entretiens avec Jeanne et qu'il n'essaya pas d'user de violence. Il voulait un beau jour lui apparaître pour lui dire « Je suis immensément riche, je suis le plus puissant du royaume après le roi. Je serai peut-être un jour roi de France, car en notre temps, le pouvoir appartient aux plus audacieux. Voulez-vous partager cette puissance et cette richesse en attendant que je place une couronne sur votre tête ?» Et il ne doutait pas d'éblouir Jeanne de Pienne. On comprend donc l'immense intérêt qu'avait Danville à ce que le chevalier de Pardeillan, féal de Montmorency, croyait-il, ignorât toujours où se trouvait Jeanne-Héloïse. De là la nécessité de cacher cette retraite au vieux Pardeillan, qui n'hésiterait pas à avertir son fils. De là la fureur du maréchal lorsque d'Apremont lui eut persuadé que le vieux routier avait suivi la voiture. De là sa résolution de le tuer d'abord, de tuer ensuite le fils. Or, il croyait que le vieux Pardeillan était mort au moment où il quitta Paris pour se rendre à Blois à la suite du roi. Il partit donc, confiant, se contentant de recommander à Gilles de faire bonne garde dans la rue de la Hache. Maintenant, on comprend sa stupéfaction, sa rage et aussi sa terreur de retrouver Pardeillan bien vivant, Pardeillan avec son fils. Et quelles durent être ses pensées lorsqu'il vit Jeanne elle-même? C'était l'écroulement de tout son plan. Les Pardeillan dénonçant la conspiration, François reprenant Jeanne, il vit tout cela d'un coup d'œil, et lorsqu'il reprit le chemin de l'hôtel de Mesmes, il était bien résolu à obtenir un ordre du roi, à revenir lui-même faire le siège de la maison, de tuer de sa main qui ne pardonnait jamais les deux Pardeillan. Il voulait avant tout savoir comment le vieux Pardeillan, qu'il avait laissé pour mort au fond de sa cave, se trouvait parfaitement en vie et comment Gilles avait pu laisser Jeanne de Pienne s'échapper de chez Alice. Il avait cédé à la prière menaçante de Jeanne en lui disant « Ces deux hommes sont à vous, prenez-les ». Mais en cédant, il s'était dit simplement qu'ainsi il les tenait tous quatre et qu'il les reprendrait dans un seul coup de filet. Malgré ses assurances qu'il se donnait à lui-même, il se sentait dévoré d'inquiétude et lorsqu'il atteignit l'hôtel de Mesmes, il écumait de rage. Certainement, le sieur Gilles allait payer de sa vie cette inquiétude du maréchal. Il entra seul dans l'hôtel, ayant renvoyé son escorte à sa maison des Fossés Montmartre. Il parcourut rapidement l'hôtel sans retrouver personne. « Fou que je suis » gronda-t-il, « le misérable Gilles doit se trouver lui aussi au Fossé Montmartre, à moins qu'il n'ait fui, à moins encore que, d'accord avec le damné Pardeillan, il ne soit près de lui. » Il allait rebrousser chemin et sortir lorsqu'il eut l'idée de pousser jusqu'à l'office. Il lui fallut pour cela longer ce corridor où se trouvait la porte de la fameuse cave et où avait eu lieu la grande bataille de Pardeillan. Or, en passant devant la cave, le maréchal vit la porte ouverte. Il se pencha et aperçut une faible lueur. « Si ce pouvait être lui » grinça-t-il entre ses dents. Cette cave, qui eût dû être la tombe de Pardeillan, deviendrait celle de Gilles, voilà tout. Il n'y aurait que le cadavre de changer. Il descendit avec précaution. À mesure qu'il descendait, l'intérieur de la cave lui apparaissait plus nettement. Et lorsqu'il s'arrêta enfin à la dernière marche, il demeura saisi d'étonnement. Un spectacle étrange, presque fantastique, s'offrit à sa vue. Et un sourire livide détendit ses lèvres. Il se glissa alors sans bruit dans un angle obscur pour ne rien perdre au spectacle en question. La scène que nous allons retracer et qui se déroula sous les yeux du maréchal était éclairée par une torche de résine qui traçait un cercle de lumière tandis que le restant de la vaste cave demeurait plongé dans les ténèbres. Dans ce cercle de lumière, éclairé par les lueurs fumeuses de la torche, apparaissaient deux hommes. L'un était debout, attaché par des cordes à une espèce de poteau de torture. L'autre était assis sur un billot de bois en face du patient. Celui qui était attaché au poteau était assez jeune encore. Il avait une figure blême de terreur et poussait des gémissements à fendre l'âme la plus dure. L'autre était un vieillard à physionomie démoniaque, une espèce de rictus qui découvrait les trois ou quatre dents de ses mâchoires desséchées comme du parchemin, balafrait ce visage couturé de rides, et la lueur de la torche faisait briller ses yeux d'étranges paillettes rouges. Il était accroupi plutôt qu'assis sur son billot, et il s'occupait très consciencieusement à aiguiser un couteau de cuisine, long, mince et effilé. Or ce vieux, qui semblait se préparer à quelque besogne de bourreau, le maréchal le reconnut aussitôt, ainsi que le malheureux attaché à son poteau. Le vieux, c'était Gilles. Le jeune, c'était Gillot. Expliquons en quelques mots comment Gillot se trouvait dans cette cave, alors que la plus élémentaire notion de la prudence eût dû lui conseiller de mettre le plus d'espace possible entre lui et son digne oncle. Gillot, comme nos lecteurs ont pu le constater, avait reçu du ciel un certain nombre de vices en partage. L'on sait assez avec quelle prodigalité le ciel, qui assure les bonnes âmes, se charge de répandre sur la terre les bonnes et les mauvaises qualités, a distribué les vices et avec quelle révoltante parcimonie il a épandu les vertus. Gillot était vicieux. Il était poltron, cafard, libidineux, gourmand ou plutôt goinfre, paresseux, fainéant et même feignant, car il y a une nuance entre la fainéantise et la feignantise, méchant quand il le pouvait, lâche par conséquent, en somme un répugnant personnage. Mais par-dessus tout, Gillot était avare. Il tenait cela de son oncle, qui était l'avarice incarnée. Ce fut cette avarice qui perdit l'infortuné Gillot, de même que l'amour perdit Troie. En effet, au moment où, après l'héroïque résistance de Gilles, qui, comme on l'a vu, s'était obstinément refusé à révéler le secret du maréchal, Gillot, pour sauver ses oreilles, avait raconté à Pardeillan en quelle maison se trouvaient Jeanne de Pienne et Loïse. À ce moment-là, disons-nous, profitant de la prostration de son oncle et de l'émotion des deux Pardeillan, Gillot s'était éclipsé sans bruit. La poltronnerie alors le dominait tout entier. Il venait de sauver ses oreilles, ses larges oreilles auxquelles, d'après les dires du vieux Pardeillan, qui avait des idées spéciales en esthétique, il avait si grand tort de tenir. Mais ce n'était pas tout. Les oreilles ne constituant en somme qu'un ornement de sa figure. Il s'agissait maintenant de sauver le corps tout entier. Pardeillan n'avait menacé que les oreilles et encore prétendait-il ainsi embellir la face rougeaude de Gillot. Mais Gilles, ah, l'inexorable colère de l'oncle s'attaquerait à sa vie même. Gillot s'attendait pour le moins à être pendu si jamais il se trouvait nez à nez avec le terrible vieillard qui n'avait pas hésité à offrir sa vie et sa fortune plutôt que d'encourir la disgrâce de son maître. Et ce maître lui-même, que ferait-il de Gillot ? Gillot frémit. Gillot sentit des ailes pousser à ses talons. Gillot escalada l'escalier avec toute la vélocité de l'épouvante la plus justifiée. Gillot, en quelques secondes, se trouva dans l'office, et de là, il se dit. « Voyons, je ne puis rester à Paris. Si je n'y mourais de pendaison, de strangulation ou d'estrapade, j'y mourrais de peur, ce qui est tout un. Il faut que je m'en aille. Où cela ? Au nord, au midi ? Peu importe, pourvu que ce soit loin, très loin. Partons. » Et Gillot fit un mouvement pour s'élancer. Mais au même instant, sa figure se rembrunit. Pour aller loin, il faut beaucoup d'argent. Et Gillot, s'étant fouillé, constata qu'il se trouvait en tout et pour tout propriétaire d'un écu, deux sols et six deniers. Presque aussitôt, une réflexion traversa sa cervelle matoise et sa figure prit à l'instant une expression d'hilarité qui eût pu faire croire qu'il devenait fou. Non, Gillot n'était pas fou. Simplement, il venait de se rappeler que s'il était pauvre, son oncle était fort riche. À force de musarder et de fouiller dans l'hôtel, Gillot avait découvert depuis longtemps le vénérable coffre où Gilles entassait les écus qu'il avait gagnés indistinctement avec ceux qu'il avait volés. Ce coffre, jamais Gillot n'était parvenu à l'ouvrir en douceur. Mais les circonstances étaient telles qu'il se faisait fort de l'éventrer. Saisir une pioche, s'emparer des clés, voler vers l'appartement de son oncle, ouvrir le cabinet où se trouvait le fameux coffre, tout cela ne fut pour le rapide Gillot que l'affaire de 2 minutes. Or, il se disait que Gilles en avait bien encore pour un bon quart d'heure avec les Pardeillan. C'était plus de temps qu'il ne lui en fallait pour éventrer le coffre à coups de pioche, emplir ses poches du plus d'or qu'il pourrait et filer ensuite avec toute la vitesse imaginable. Gillot, avant de porter le premier coup, tâta le couvercle du coffre pour voir où il faudrait frapper. Et il tressaillit alors d'un long tressaillement de joie et de surprise. Au premier mouvement qu'il avait fait, il avait soulevé le couvercle. Le coffre n'était pas fermé. Pourquoi, comment, il ne prit pas la peine de se le demander. Nos lecteurs n'ont pas oublié sans doute que le vieux Pardeillan avait passé par là. Gillot leva le couvercle sans plus de réflexion et poussa un rugissement de joie, tomba à genoux et plongea ses deux bras jusqu'au coude dans les piles d'écus qui trébuchèrent et s'effondrèrent avec un bruit délicieux. À ce moment, Gillot oublia le ciel et la terre. Il oublia Pardeillan, il oublia son oncle. Poltronnerie, lâcheté, gourmandise, paresse, tout disparut. L'avarice régna seule dans cet esprit. Après un temps d'extase et de contemplation, Gillot en vint pourtant à se dire qu'il était là pour remplir ses poches, opération qu'il commença aussitôt. « Jamais je ne pourrai tout emporter » grommela-t-il avec un soupir de furieux regret, un vrai soupir d'avare. Gillot était tout entier dans ce mot. Pêle-mêle, cependant, il entassait les écus dans ses poches, dans ses chaussures, dans son pourpoint, sans songer qu'il ne pourrait faire un pas dans la rue sans résonner comme un boulet à sonnette et sans risquer de semer de l'or sur la route, ce qui, infailliblement, le désignerait au guet, à la foule, comme un être phénoménal digne d'admiration, laquelle admiration se traduirait par une arrestation en bonne et due forme. Gillot entassait toujours. « Encore ces quelques pièces qui reluisent si bien !» Ses poches crevaient. Il se gonflait d'or à en éclater. « Encore cette pauvre poignée de mignons écus !» Et il remplit sa toque. Une fois qu'il se fut vautré tout son sou dans cet argent et cet or, une fois qu'il en fut gorgé comme une sangsue, Gillot, les jambes écartées, les bras raides, tout pesant et tout embarrassé, se recula en murmurant. « Quel malheur ! J'en ai à peine la moitié. Or ça, fuyons maintenant !» Il se détourna vers la porte et demeura pétrifié, les yeux morts, la lèvre pendante. Son oncle était là. Le terrible Gilles, accoté à la porte fermée, le regardait faire avec un sourire blafard. Gillot voulut joindre les mains et, dans ce mouvement, deux ou trois piles d'écus roulèrent sur le carreau, se mirent à tourner, à danser. Gillot se laissa tomber à genoux, et alors ce furent ses chausses qui crevèrent, la danse des écus recommença, avec une infernale musique, une course d'or que le vieillard suivait du coin de l'œil en continuant à sourire le plus hideusement du monde. Ce que voyant, Gillot essaya de sourire aussi. D'où le choc de deux grimaces extraordinaires. « Mon oncle, mon digne oncle !» balbutia Gillot. « Que fais-tu là ? » demanda le vieillard. « Je... vous voyez, je... range votre coffre. »« Ah bon, tu ranges mon coffre. Eh bien, continue, mon garçon. » Gillot demeura interloqué. Il savait que son oncle était de tempérament goguenard. L'effroyable vieillard aimait à rire. Les farces macabres lui plaisaient. « Que je continue ?» bégaya Gillot au comble de la terreur. « Mais oui, il y avait dans mon coffre 29 365 livres en argent et 60 228 livres en or. En tout, si je sais compter, 89 593 livres. »« 89 593 !» répéta machinalement Gillot. Mes économies, fit Gilles. Compte, mon garçon, compte devant moi, écu par écu. Range-moi tout ça par pile de 25. L'or à droite comme étant le plus noble, l'argent à gauche. Allons, qu'attends-tu? Voilà, mon digne oncle, mon bon oncle, voilà! Fit Gillot qui commençait à se demander si vraiment il n'allait pas tout à la douce se tirer de ce mauvais pas. Et il se mit à vider ses poches, ses chausses, son pourpoint. Le rangement commença avec ordre et méthode, sous les yeux de l'oncle qui brillait comme des escarboucles et ne perdait pas de vue les mains du neveu. À mesure que chaque pile reprenait sa place dans le coffre, un nouveau soupir s'étranglait dans la gorge de Gillot, tandis que l'oncle comptait. « Encore 15 000, encore 12 000, encore 6 000 !» Le total baissait de plus en plus à mesure que les écus étaient réintégrés. L'opération, comme bien on pense, dura longtemps. Commencée vers 2 heures, elle s'acheva à 5 heures du soir. Or, cette opération s'accomplissait en même temps que le roi Charles IX faisait sa rentrée dans Paris, en même temps que les deux Pardaillans, après la visite du chevalier à Alice de Luce et l'attente du vieux routier dans le cabaret de Cato, se battaient rue Montmartre contre les Mignons et Danville. Donc l'oncle Gilles annonçait le total à mesure que les piles d'or et les piles d'argent s'entassaient dans le coffre. « Il ne manque plus que 5 000 livres, plus que 4 000, plus que 3 000. » Gillot, qui venait de placer délicatement le dernier écu et de pousser un dernier soupir, Gillot regarda autour de lui et ne vit plus rien. À part le coffre, il n'y avait pas de meubles dans ce cabinet. Le carreau apparaissait donc tout entier et il n'y avait plus un seul écu. « Comment dites-vous, mon oncle ?» fit Gillot. « Je dis qu'il ne manque plus que 3 000 livres. » Gillot se fouilla et tira de sa poche l'écu, les 2 sols et les 6 deniers qui, on se le rappelle, constituaient sa fortune personnelle. Héroïquement, il les tendit au vieillard qui s'en saisit, les fit disparaître et dit « Après !»« Après, mon oncle ?»« Oui, les 3 000 livres. »« Mais je n'ai plus rien, mon oncle !» Gilles haussa les épaules. Cependant, une inquiétude commença à se glisser dans son cœur. Et son sourire devint amer. « Allons, dit-il, dépêche-toi sans que je te fouille. » « Fouillez-moi, mon bon oncle, je n'ai plus rien !» Gilles étouffa un grognement de désespoir, palpa de ses mains tremblantes les vêtements de Gillot et une sueur froide pointa sur son crâne. Gillot ne mentait pas. Pourtant, l'espoir est tenace au cœur des avares. « Déshabille-toi » gronda-t-il. Gillot obéit, plus mort que vif. Le vieux Gilles examina chaque vêtement, sonda les coutures, retourna les poches, déchira les doublures. Il dut se rendre enfin à l'horrible vérité. 3 000 livres manquaient au trésor. Une sauvage imprécation et un hurlement d'épouvante retentirent dans le cabinet. L'imprécation venait de Gilles, qui en même temps rugissait. « Rends-les-moi, misérable !» Le hurlement de Gillot venait que son oncle venait... Le hurlement venait de Gillot, que son oncle venait de saisir à la gorge et qui répondait « Fouillez-moi, mon digne oncle, je n'ai plus rien !» Gilles, n'ayant plus rien à fouiller, puisque son neveu s'était entièrement déshabillé, le lâcha et s'arracha des poignées de cheveux. « Mes économies de 5 ans » grinçait-il. « Mais qui me les a donc pris, mes pauvres écus ? Insensé que je suis de n'avoir pas veillé nuit et jour l'arquebuse au poing. Je suis ruiné, je suis mort, je suis assassiné. Mes pauvres écus, où êtes-vous ? » Seul le vieux Pardeillan eut pu répondre à cette question. Mais Gillot crut que le moment était venu de rentrer en grâce et insinua « Mon oncle, je vous aiderai à les retrouver. Oui, je me fais fort de les retrouver. » Toi, hurla le vieillard qui avait oublié son neveu, toi, misérable, toi qui venais pour me voler, toi, attends, tu vas voir ce qu'il en coûte de se faire larronneur et traître. Habille-toi, vite !» En même temps, il secouait son neveu avec une force qu'on n'eût pu lui soupçonner. Enfin, il le lâcha et Gillot se revêtit rapidement, tandis que le vieillard marmottait des mots sans suite. Gillot, cependant, s'apaisa par degrés. Lorsque Gillot fut prêt, il le harponna au cou de ses doigts longs, osseux, durs comme du fer, et, ayant soigneusement refermé le cabinet, il l'entraîna. « Miséricorde ! » gémit Gillot. « Que voulez-vous faire de moi ?» Arrivé au rez-de-chaussée, Gilles lâcha son neveu et, tirant une dague acérée, lui dit « Au premier mouvement que tu fais pour fuir, je t'égorge. » Cette menace rassura un peu Gillot. On ne voulait donc pas le tuer, puisqu'il n'était menacé de mort que s'il tentait de fuir. Il fit un signe de soumission complète. « Marche devant !» reprit l'oncle, sa dague à la main. Guidé, ou plutôt poussé par le vieillard, Gillot passa dans le jardin et entra dans la remise du jardinier. « Prends ce pieu !» commanda l'oncle en désignant un assez long poteau pointu par un bout. Gillot obéit et chargea le poteau sur son épaule. « Prends cette corde ! Prends cette bêche ! » ajouta l'oncle. Le neveu se chargea des objets qu'on venait de lui désigner. ainsi chargé des instruments de supplice que le redoutable vieillard trouva amusant de lui faire porter, Gillot reprit le chemin de l'office, puis, toujours poussé, la pointe de la dague sur la nuque, il pénétra dans le couloir de la cave. Dans l'office, Gilles avait repris en passant une torche et un couteau. Il poussa son neveu dans la cave et, lorsqu'ils furent descendus, il l'entraîna au fond et lui dit « Creuse ici !» Gillot, véritable locumène, décomposé par la terreur, hébété, se mit à creuser avec la bêche. Le trou creusé, Gillot y planta le poteau et l'enfonça profondément à coups de maillet jusqu'à ce que Gilles, ayant constaté qu'il tenait solidement, cria « Assez !» Alors le vieillard saisit le neveu, le colla au poteau et l'y attacha avec la corde, de façon qu'il ne put remuer ni les bras, ni les jambes, ni la tête. Gillot, fou de peur, se laissait faire et l'instinct vital ne lui suggérait pas une révolte. Il faut dire que, d'ailleurs, il espérait vaguement dans le fond que son oncle se livrait simplement à une de ces sinistres facéties comme il les aimait. « Que voulez-vous donc faire de moi ? » balbutia-t-il quand il fut attaché. « Tu vas le savoir, » dit l'oncle. Le vieillard poussa devant Gillot une sorte de billot de bois, s'y assit et se mit à aiguiser sur la lame de sa dague le couteau de cuisine qu'il avait apporté. À la vue de ses apprêts, Gillot commença à pousser des gémissements ininterrompus. Ce fut à ce moment que le maréchal de Danville pénétra dans la cave. « Tu m'impatientes avec tes clameurs de cochon qu'on égorge !» cria Gilles. Gillot n'en hurla que plus fort et le vieillard ajouta « Si tu ne te tais, je serai forcé de te tuer. Je serai forcé de te tuer. » Gillot observa instantanément un silence absolu. « Il ne veut donc pas me tuer, » songea-t-il. « Mais alors, que veut-il » « Voyons, » reprit alors. « Voyons, » reprit alors le vieux Gilles. « Je vais te juger en mon âme et conscience. » Et dans mon jugement, je te promets de tenir compte de ce que tu es le fils unique de feu ma sœur Gillonne, que Dieu ait... que Dieu ait pitié de son âme. C'est te dire que je serai indulgent autant que tes crimes peuvent mériter l'indulgence. Réponds-moi donc en toute franchise. Oui, mon oncle, je vous le promets bien, fit Gillot, commençant à se rassurer. Cependant, il louchait fortement sur le couteau que le vieillard continuait à affûter paisiblement. Celui-ci reprit. Tu as donc suivi la voiture où Monseigneur avait caché ses prisonnières ? Oui, mon oncle, jusqu'à la rue de la Hache. Quelqu'un t'a-t-il vu ? Fais bien attention. Ta vie dépend de ta franchise. Je crois que M. d'Aspremont a dû m'apercevoir, mais je ne pense pas qu'il m'ait reconnu. Et quelle était ton idée en suivant la voiture ? Rien, je voulais voir, voilà tout. Et tu as vu ce que tu ne devais pas voir, mon garçon, ce que nul au monde ne devait voir. Hélas, je m'en repens bien, mon digne oncle. Je ne recommencerai pas, je vous jure. Bon, maintenant, dis-moi, fripon, dis-moi, misérable, quel démon t'a poussé à raconter ce que tu n'aurais jamais dû voir aux deux damnés par Dayan. Ce n'est pas un démon, je voulais sauver mes oreilles, mon oncle. Ah, misérable lâche, tu voulais sauver tes oreilles alors que je te donnais l'exemple. Alors que j'offrais toute ma fortune, ce dont je fusse mort de chagrin si on l'eût accepté. Alors que je consentais à périr plutôt que de trahir le secret de Monseigneur. Sais-tu bien, infâme, quel malheur ta trahison va attirer sur mon illustre maître ? Hélas, pardonnez-moi, mon oncle. Et moi-même, que vais-je devenir ? Que vais-je répondre à ce puissant Seigneur lorsqu'il va me demander des comptes ? De quel front oserais-je l'aborder ? Ne vaut-il pas mieux que je me pende avant son retour ? « Oh, mon oncle, ne faites pas cela, j'en trépasserai de douleur !» Le vieux Gilles était sincère. Il avait laissé tomber sa tête dans ses deux mains et se demandait s'il ne valait pas mieux mourir plutôt que d'avoir à essuyer la colère du maréchal. Cependant, il avait un témoin de sa résistance et de sa parfaite innocence. Et ce témoin n'était autre que Gilles lui-même, en ne comptant pas la lettre que le chevalier Pardeillan avait promis d'envoyer au maréchal. Gillot était donc précieuse à conserver. Et pourtant, il fallait le punir d'un châtiment exemplaire. « Écoute, dit-il en relevant la tête, je ne te condamne pas à mort. Monseigneur prendra à ton égard telle décision qui lui conviendra. Mais il faut que je punisse ta lâcheté, ta trahison qui me met moi-même au pied du gibet, sans compter qu'elle me déshonore. » « Note que je ne te parle pas des 3 000 livres qui me manquent à mon coffre. Note que je ne te parle pas des 3 000 livres qui me manquent à mon coffre. »« Mais ce n'est pas moi !» hurla Gillot. « Que je ne te parle pas, continua Gilles impassible, du vol énorme que tu as voulu perpétrer. Que n'as-tu eu l'idée de me poignarder plutôt que de toucher à mes pauvres chers écus ?»« Mais je te pardonne ce crime, dis-je. » Et quant à ta trahison, Monseigneur en jugera, et peut-être te fera-t-il grâce si tu lui racontes les choses telles qu'elles se sont passées. Si tu lui racontes les choses telles qu'elles se sont passées, me le jures-tu ? Sur ma part de paradis, je le jure, dit. Sur ma part de paradis, je le jure, dit Gillot, transporté de joie. Bon. « En ce cas, je vais me contenter de juger le tort que tu me causes à moi-même en me faisant courir le risque d'être pour le moins chassé par Monseigneur. Et je vais te punir par où tu as péché. »« Comment cela ? Comment cela ?» bredouilla Gillot en verdissant de terreur. « Oui, tu as trahi ton maître et ton oncle pour sauver tes oreilles. Eh bien, je vais te couper les oreilles. »« Miséricorde ! » rugit l'infortuné Gillot. Gilles s'était levé tranquillement et essayait le tranchant de son couteau sur l'ongle de son pouce. Il s'approcha de son neveu qui, livide, les yeux fermés, eut encore la force de se dégager. « Au moins, n'en coupez qu'une !» Il avait à peine terminé cette singulière objurgation qu'une clameur terrible jaillit de sa gorge. Le terrible vieillard venait de lui saisir l'oreille droite et, la tirant fortement, l'avait tranchée d'un seul coup de couteau. L'oreille tomba sur le sol de la cave. « Grâce pour celle qui me reste !» vociféra Gillot, ivre d'épouvante et de douleur. « Grâce, pitié ! Grâce pour celle qui me reste !» vociféra Gillot, ivre d'épouvante et de douleur. « Grâce, pitié !» Un deuxième hurlement lui échappa, et alors il s'évanouit. Avec la même tranquillité, l'oncle était passé à gauche, et au bout d'une seconde, l'oreille gauche de Gillot avait rejoint son oreille droite sur le sol ensanglanté. Nul n'évite sa destinée, assurent les fatalistes. Il paraît que celle du malheureux Gillot était d'être tôt ou tard privée de ses deux vastes et larges ornements, que la nature avait prodigalement octroyé à chaque face de son visage. Une fois sa besogne accomplie, le hideux vieillard se mit à sourire. C'était là une de ses bonnes farces comme il les adorait. Mais lorsqu'il vit son neveu inondé de sang, lorsqu'il le vit sans connaissance, il frémit et grommela. « Diable, il ne faut pas que cet imbécile meure tout de suite. Il est mon témoin devant le maréchal. » Il s'empressa donc de courir à l'office et en rapporta de l'eau, du vin sucré, un cordial, des compresses. Alors il délia Gilles, l'étendit sur le sol de la cave et se mit à le soigner. Lorsqu'il eut bien lavé les deux plaies, lorsqu'il les eut cautérisées au vin sucré, lorsqu'il les eut bandées convenablement, il introduisit une gorgée de cordial entre les lèvres du patient et aspergea son visage d'eau fraîche. Gillot revint à lui, ouvrit des yeux hagards et, croyant avoir fait un cauchemar, son premier geste fut de porter les deux mains à ses oreilles. Elles n'y étaient plus. Gillot poussa un lamentable gémissement. Qu'as-tu donc à te plaindre ? Fit l'oncle avec cette intonation narquoise qu'on prête à Satan dans les vieilles légendes. Hélas ! Répondit Gillot, comment vais-je faire pour entendre à présent ? Imbécile ! Dit Gilles. Ce fut toute la consolation qu'il accorda au pauvre mutilé. Seulement, il le prit par un bras, l'aida à se soulever, le remit debout, et tous deux, s'apprêtant à quitter cette cave où tant d'événements s'étaient passés, se dirigèrent vers l'escalier aux dernières lueurs de la torche mourante. Mais au pied de l'escalier, ils s'arrêtèrent aussi épouvantés l'un que l'autre. Un homme était devant eux. Et cet homme, c'était le maréchal de Danville. « Monseigneur !» s'écria Gilles qui tomba à genoux. « Cette fois, je suis mort !» gémit Gillot qui s'évanouit à nouveau et s'écroula. « Eh bien, » dit Danville d'une voix calme, « que se passe-t-il »« Ah, monseigneur, un affreux malheur ! Je suis innocent, je vous le jure ! J'ai veillé, surveillé, comme vous m'en aviez donné l'ordre en partant !» « La fatalité et ce misérable imbécile ont tout fait !»« Expliquez-vous clairement, maître Gilles, » dit Danville avec sévérité. « Eh bien, monseigneur, les prisonnières, le damné Pardaillan sait où elles se trouvent, et à l'heure qu'il est, sans aucun doute, elles sont en son pouvoir. »« Et tu n'es pour rien dans cette trahison ?»« Monseigneur, je vous le jure !»« Monseigneur, je vous le jure !» Mais daignez interroger ce misérable à qui je viens de couper les oreilles. C'est inutile. J'ai foi en ta parole, Gilles. Relève-toi. Ah, monseigneur, s'écria l'intendant, vous me croirez si vous voulez, mais ce que vous venez de dire est pour moi une récompense plus magnifique que le jour où vous me donnâtes 500 écus d'un seul coup. Ainsi, tu me restes dévoué? « Jusqu'à la mort, parlez, ordonnez, ma vie est à vous. » « Et tu es décidé à tout entreprendre pour réparer le malheur que tu me signales ?»« S'il ne faut que donner mon sang goutte à goutte, je suis prêt. » »« Viens donc et fais appel à ton génie d'astuce, car si je n'ai nul besoin de ton sang, ce que je vais te demander sera plus difficile à coup sûr que de mourir pour moi. »« Je suis prêt, monseigneur. » « Je suis prêt, monseigneur !» Et le vieillard se redressa. Le maréchal lui avait dit qu'il avait foi en sa parole, à lui, laquais, comme s'il eût été gentilhomme. Le maréchal faisait appel à son génie, il le traitait de puissance à puissance. Il le traitait de puissance à puissance. Gilles sentit ses forces d'intrigue se décupler et brûla de se jeter dans la lutte, entrevoyant au bout de cette lutte une victoire éclatante et au bout de cette victoire la fortune. Danville remontait l'escalier de la cave tout pensif. « Monseigneur, demanda Gilles, et cet imbécile ? » « Quel imbécile ? » « Mon neveu, dit le vieillard en désignant Gillot toujours évanoui. « Eh bien, faut-il l'achever ?» Faut-il l'achever ? Non, il pourra te servir dans ce que tu vas entreprendre. Viens.